Il reste 9 minutes. Il reste 9 minutes. Alors, je connais une blague. Alors, Kawan, t'as pas d'autres. Alors, je propose à Victor d'aller chercher son café, comme ça, il pourra être direct d'attaque pour le quiz. Je propose que Victor, tu m'en ramènes un. Merci cette fois. Ouais, je propose que tu ramènes un plateau de café. Non, je vais pas. J'aimerais que les prochains participants. Il y en a qui ont pensé à tout. Ah merde, il est. Ah, c'est pas pour moi, d'accord, ok. Je propose à Mathias de m'appeler 2 secondes. Yes. Parce que je vais uriner. Alors, bon urinage. Je vais juste mettre une dernière reprise et vous allez me dire de quelle chanson vous la connaissez. De quelle chanson on la connaît? C'était très mal dit. Le oui, même, le même quiz que vient de faire Kawan, j'en mets une. Mais, ok. Oui, bah oui. C'est mieux, si tu veux pas embarquer tout le bordel. Ouais, tu passes en dessous. On est un peu à l'étroit ici, malheureusement. Bonjour à tous, je suis de retour. Du coup, il y a eu. Oh là là, mais c'est quoi ce micro il débande facilement. Ah, mais c'est malheureux pour là maintenant tout de suite. Pour le spécial porn. Donc, on va faire des gestes sensuels pour le maintenir en l'air. Ah, mais je sais qu'il est très doué. Oula, putain, Jacques. Du coup, qui reste pour l'heure sexo-porn qui est animé par moi, quelqu'un de confiance, pour dire tous ses petits secrets intimes. Ah, finalement on aime. Pardon, excusez-moi, ça fait 3 jours que je dors pas, donc je suis fatiguée. Mais moi, je peux laisser une place. Je vais laisser ma place aussi. Tant qu'il parle pas, tant qu'il ferme ta gueule. Quelqu'un veut ma place. Bon bah comme je la trouve pas, je ne vais pas la mettre. Tu ne vas pas la mettre, mais cherche mieux que ça. Oula. Ouais, assis-toi tout de suite. Parce que ça va claquer. Tout de suite. Ouais. Sinon ça claque. Du coup, bon, bah re... Ouais. Moi je dis au revoir à tous, je me barre pendant 1 heure parce que je vais me reposer un peu. Ouais. Bisous Kawan, on t'aime. Il y a du café chaud si vous voulez en au duplex. Attends, il y a du Maya. J'aurais bien parlé sexe, mais là je suis pas d'humeur et je préfère aller me coucher plutôt que de parler de sexe. Voilà. Tu t'en vas? Tu t'en vas chez toi? Ouais, les gars? Les gars, vu qu'il n'y a plus personne chez moi, est-ce que c'est possible de fermer la porte? Merci. Ou de me ramener un café en passant. Ça, ce serait kawaii. Je suis pas assez déter. Putain, les choix vont être difficiles. Donc, j'avais prévu une pseudo-musique un peu érotisante pour commencer, mais au fait, j'en ai pas. On peut la faire, si tu veux. La bande originale de... Attends, c'est quoi le film avec Patrick Swayze qui danse, là? Dirty Dancing. Et ouais, et bah, c'est la bande originale qui a été classifiée comme la plus érotique de tout. En même temps, c'est une bande originale. Du coup, je vous propose qu'on parle tous avec des voix comme ça. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Des voix un peu lancinantes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ou avec des accents espagnols de Miguel. Ah non. Ou avec des voix de gros beauf. Des voix de... La binouze, c'est où Miguel. Donc on va reprendre. Donc voilà, je me suis proposé, j'ai proposé cette heure sexoporn. J'ai bu beaucoup de café, donc je tremble un peu, je suis très énervé. C'est un peu hallucinant. Depuis tout à l'heure, il est genre. Et du coup, on va parler porno. Est-ce que les gens du live vont réagir avec nous? Ça serait cool, mais vraiment ils cool. Vont balancer des liens sur le. Ouais, place. Balancer des liens. Je crois que YouTube ne les censure pas encore. Donc on va parler cul, on va parler porno, parce que c'est cool le porno et c'est intéressant d'en parler avec des gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Oh Kawan, t'es adorable. C'est quoi ce café de l'extrait? Oh, je te déteste. Oh, le manque de respect. Oh, c'était beau. Ah non, je le veux noir. Et tu peux m'en faire un petit, tu serais chou. Donc voilà, là il y a distribution de café. Donc, comment réagir sur le sujet? Donc on parlait justement de, enfin je parlais tout seul de Miguel l'espagnol qui prend un accent bizarre. qui prend un accent bizarre à chaque fois, très cliché. Et est-ce que vous avez vu que sur, on va parler tout de suite de nouvelles technologies, que sur l'Oculus Rift, oui, on peut regarder du porno. C'est quoi l'Oculus Rift? Mais dis donc, c'est quoi donc l'Oculus Rift? Pas Jackie et Michel qui ont fait un truc de 20 minutes. D'après le reste de la communauté, je vis dans les années 80, donc je ne suis pas au courant des dernières technologies. Alors l'Oculus Rift, c'est des lunettes de réalité virtuelle. En gros, donc tu y crois comme si tu y étais. En gros, tu tournes la tête et ça tourne avec toi. Alors, pour avoir, pour ne pas avoir pu, pour ne, pour ne, genre, au fait, tout le monde s'en fout de ce que je dis. Fais-toi respecter. Vas-y, Mathias, on t'écoute. Merci. Donc, j'ai pas pu essayer malheureusement ce genre de truc parce que, à mon avis, ça doit être très très drôle. Donc, soit tu incarnes l'homme dans cette situation. Soit tu incarnes la femme dans cette situation. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au fait, apparemment, tu ne bouges pas en tant qu'homme ou comme que femme, sinon ton cerveau il comprend pas parce que tu bouges pas en vrai. Et tu soit tu bouges pas en vrai et du coup tu as l'impression d'un peu de te faire violer sur place puisque tu bouges pas et que les gens que la star de cul vient sur toi au fait. Et bah oui, c'est parce que si tu bouges, oui, non, mais je comprends, ton cerveau il comprend pas que tu bouges pas en fait. Si je comprends. Attends, si tu bouges, il comprend pas que tu bouges pas. Mais non, mais tu as ton oreille interne qui te dit que ta tête est en mouvement, mais si tes yeux ne suivent pas ce qui fait ton oreille interne, ah oui, ton cerveau il a du mal à interpréter et t'as des nausées. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des mal de transport. Mm-hmm. Qu'on leur dit de regarder la route parce qu'ils sont dans une voiture, ils avancent, mais pourtant ils regardent, mais ils avancent pas. Voilà. Okay. C'est pour ça que les gens sont malades. Wow. Et ben voilà, ce serait cool. Tu viens d'éclairer un sens. Donc tu regardes un porno. Envie de vomir. Néanmoins, ma remarque est la suivante. C'est quand même le point de vue le plus dégueulasse des temps. je veux dire, voir en Oculus Rift et pas bouger comme ça et de voir. Mais je pense que ça doit être hyper stressant. Je pense que tu dois vraiment avoir l'impression de te faire violer sur place. Je pense que ça doit être hyper frustrant. Mais du coup, en plus, je vois plus l'intérêt de l'Oculus Rift si tu peux pas en profiter pour bouger. Tu peux bouger la tête, mais tu peux pas bouger le reste de ton corps, si tu veux. Ouais, du coup, t'es bloqué, quoi. Ouais. Et juste un petit truc juste rigolo, c'est que tu peux aussi inverser la situation. C'est-à-dire que mec, tu peux être la femme qui se fait violer parce que tu peux pas bouger. Et du coup, ça doit être n'importe quoi. Si t'imagines la situation. Si tu te fais violer, je pense que ça peut être un outil, par contre, hyper intéressant après. Ouais, mais après, je sais pas. Parce que je sais pas si ça a été fait pour ça. Est-ce que toi, tu t'imagines avec des lunettes de réalité virtuelle, avec un chibre avec une nana sur toi. Genre, tu regardes en bas, t'as un chibre. J'aimerais au moins essayer. Non, mais, ça a des sensations hyper bizarres. Tant que tu peux pas le toucher, ça va. Ces espèces de gros pervers, leur montrer ce que ça fait de se faire violer, je pense que ça peut être sympa pour eux. Ça changera que d'elle. Non, mais juste pour. Voilà. Parce que c'est rigolo. Alors bonjour, petit Viola. Est-ce que t'aimerais bien voir faire ce que ça fait? Écoute, on a trouvé ce qu'il te faut. Même s'il a pas envie. Voilà. C'est pour tout. Pour se venger. Voilà, c'était purement méchant et donc simple, très bien. Mais bon, donc maintenant, je vais vous proposer un petit tour de table. Tenter ou pas par la réalité virtuelle au niveau cul. Ouais. Parce qu'on parle cul, hein, c'est spécial cul. Hein. Non. Non. Ok, va y avoir aucun débat là. Aucun débat. Non, mais la réalité virtuelle ne verra jamais la réalité. C'est ça le principe. Je trouve que au bout d'un moment, ils arriveront pas à franchir la limite. Donc je vais vous renvoyer à un épisode de Black Mirror si vous avez pas vu la série. Non. Où il y a un moment, il y a des lentilles, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Et en fait, c'est un couple, ça va plus du tout. Et au fait, ils ont des lentilles qui permettent de revivre des éléments passés. De mémoire instantanée devant tes yeux, au fait. Et du coup, ils sont en train de copuler joyeusement dans leur lit. Sauf que, comme leur couple n'est pas joyeux, la partie de jambes en l'air est nulle. Sauf qu'ils repassent les premières fois qu'ils l'ont fait où c'était génial. Et du coup, ça fait totalement. Enfin, c'est leur réalité virtuelle à eux, quoi. Tu vois, c'est un souvenir. Chacun un moment de fou, mais de leur côté. Ouais. Ah ouais, assez glauque. Ça a l'air cool, tu vois, dit comme ça, mais. Je suis toujours pas tentée et ça me rend toujours pas plaisir. Non, mais c'est hyper triste. La scène est super glauque. C'est horrible parce que du coup, tu te cantonnes à un passé et tu t'accroches à ça alors que tu ne fais rien pour que le présent et que le futur s'arrangent. Donc, c'est vraiment une solution de facilité lâche en fait. Les nouvelles technologies aussi, il y a ce cas-là dans Her. Ouais. Quand ils sont au téléphone, cette scène-là où ils sont au téléphone. qui est, oui, qui fait appel une nana pour avec son chat mort, ouais. Voilà, c'est un peu drôle ça. Mais tu dis le mec, enfin avec toutes les nouvelles technologies machin, enfin tu vas plus aux putes, tu vas même plus aux putes en fait, tu les appelles. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est et c'est mais même enfin ah, tu vois ça aussi sur le net quoi, du coup enfin tu vas même plus enfin c'est enfin tu quand tu vois les sites de chat etc., où tu vois à peu près 350 000 bits ouais sur mais le finalement bah oui. Ouais, parce que je fais des tours c'est là-dessus pour rencontrer des gens et c'est plutôt cool, tu rencontres plein de gens sympas et beaucoup de bits aussi. Ouais, mais ça vaut quand même pas la réalité, il y a un moment où oui, physiquement, il y a un truc qui va ça pas. Ça vaut pas la vérité, la réalité. Mais ouais, après, c'est des gens qui sont, je pense, un peu perdus dans leur vie sentimentale. Et, Ah oui, ceux qui se réfugient ouais. Là-dedans, oui, d'accord. Et après, tu sais, c'est un peu un cercle infernal. C'est comme on parle, c'est comme l'addiction au porno. Ça existe, quoi. Mmh. Et c'est c'est vrai? Oui, c'est une addiction. Pas, je ne regarde pas de porno dans les années 80. Pas au même en VHS. VHS t'en as jamais rembobiné la cassette. Dans les cinémas, Canal Plus, encrypté. J'en ai vu un et je l'ai vu en live, puisque j'étais au salon de l'érotisme. Tu l'as fait? Putain, j'ai pas. Non, mais tu l'as fait, tu es allé le voir. Moi, j'aurais bien voulu aller le voir, mais j'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde. Ouais, c'était il y a 2 ans. Non, ça a l'air super sympa à voir un film de cul en. C'est vraiment drôle en tant que spectateur. Faut vraiment le faire au moins une fois dans sa vie. Bah, il nous avait déjà parlé, Mathias, à une autre soirée. Et ouais, ça a l'air d'être une expérience. Mais c'était la zone 2, la zone A. Ouais, la zone où il faut que t'aies 18 ans pour passer. Mais de toute façon, il faut que t'aies 18 ans pour rentrer. Non, il faut que t'aies 16 ans pour rentrer au salon. Parce que t'as l'érotisme et le porn. Et tu repayes d'ailleurs 3,80€. Non, tu repayes pas, il me semble. Ah bah moi j'ai pas. Enfin, moi j'ai pas payé parce que je pèse un peu dans le game du salon. Ah, du coup. Dans le milieu. T'as joué dans plein de films qui passent. Non, mais pas dans le salon de l'érotisme, dans tous les salons. C'est salon du mariage, salon. Mais bien sûr. Bizarrement, il nous a jamais raconté salon du mariage. Bah, c'est un peu chiant le salon du mariage. Des robes blanches partout et tout. Alors que dans le salon d'érotisme, il y a moins de robes blanches. Ouais. Il y a moins de robes tout court. Il y a moins de tissus. Mais il y a quand même des trucs de fringues. Oui. Enfin, y a des fils. Ouais. Ouais, tu vas pas en ville avec. Tu peux. Avec les tenues en latex, tu peux y aller. C'est un peu bizarre, mais tu peux y aller. Ça doit coller s'il pleut en plus. Ouais. Et s'il fait chaud, ça doit fondre, ça doit être horrible. Tu peux plus en sortir. Tu cours en étoile comme ça parce que tu t'es figé. Puis après, tu rentres dans ta voiture qui a chauffé au soleil. Ah ouais. Tu poses tes mains sur le volant. Et là, tu fais un bruit horrible. Oui, toute la journée. Je suis discrète. Et là, tout de suite, c'est vachement moins érotique. Ouais. Tu dors moins quand même. Ah, bah ça donne moins envie. Bah là, tu peux pas en fait. T'es coincé dans ta tenue. Ouais, t'es coincé. Bah, un peu moins. Ça, c'est triste. T'imagines, tu la mets trop chaud, la vache, à fond, ça fait des fils et tout. Ah, c'est un gros chewing-gum au final. Ah, tout mon investissement de janvier dernier. Flûte. Mais bon, donc oui, le porno, j'en ai jamais vu. T'en as jamais vu. Qui regarde du porno ici, enfin, qui a au moins regardé au moins une fois du porno ici, autour de cette table, c'est bien de l'avouer. J'ai pas regardé du porno autour de cette table. Non. Bah, on va regarder un tout de suite. Du coup. Ah bah, enfin, je l'aurais vu sur écran. Alors, le porno, moi, ça me fait rire. Arrête. Oui. Non, mais de toute façon, plus personne n'écoute. Il est 3h du matin, 4h. Il n'y a plus personne dans les commentaires qui réagit. Non, là, c'est No Woman No Cry. Et puis après, basta. Le porno, ah non, je ne connais pas, au revoir. Parce que aussi, moi, j'ai voulu faire cette turf justement pour niquer un peu les préjugés par rapport au porno. Quel bon jeu, Mathias. Et le tabou, etc. Parce que tout le monde en regarde. Tout le monde sait que tout le monde en regarde. Non, bah, pas tout le monde. Moi qui en live. Ouais. Que en live, moi je veux le vrai. Sinon, elle regarde. Non, mais Eve, elle va à la porte des gens pour savoir est-ce qu'il baisse. Bon, non. Non, et tout le monde regarde plus ou moins du porno. Et voilà, et personne ne l'avoue. Ouais. C'est quelque chose qui est. C'est de l'ordre de vie privée aussi. Ouais, c'est l'ordre de la vie privée, mais en même temps. Tu te rends compte que tout le monde a au moins, enfin quasiment, tout le monde a, c'est parce a que déjà eu la curiosité d'aller regarder un. Quoi. Ouais, mmh. Parce que c'est genre, personne regarde du porno, mais d'un seul coup, tout le monde sait qui c'est Jackie Michel, tout le monde sait qui c'est YouPorn, tout le monde attends, sait qui c'est... Attends, je savais qui était Jackie Michel, par exemple, pourquoi j'ai jamais vu une vidéo d'eux. Ouais. Comme voilà. Je m'appelle Jacques, on m'a toujours fait la blague. Voilà, mais au bout d'un moment, tout le monde connaît les sites et tu dis ah ouais donc personne n'a rien. Alors là connaître les sites ça veut pas dire y aller. Enfin, je veux non dire... mais ouais mais tu ça fait partie de la culture. Quoi. Ouais ça fait partie de la culture. Non mais vraiment toutes les blagues qu'il y a par rapport à ça dessus tous les mèmes qui sortent par rapport à ça je suis désolée le nombre de mèmes que je vois. Qui baigne dans une culture et après je pense qu'en bah si c'est. Si non mais je suis d'accord avec toi. Non mais oui. C'est bah vrai. Tu vois c'est en fait c'est dans le background d'internet en fait. Voilà. Et du coup, au mais bout d'un moment... C'est de l'ordre de la vie privée, mais ça ne dérange personne d'aller sur le truc où tu zappes les vidéos, là. Tu regardes des gens qui se masturbent parce que tu n'as pas de... Comment ça s'appelle ? Chatroulette. Ouais, voilà. Là, ça ne les dérange pas de se... Bah, parce que c'est un autre aussi, c'est un autre... En fait, je pense c'est que notre système, notre but c'est de base. Mais en fait sur Chatroulette, tu choisis pas forcément de voir des mecs. Ouais, c'est clair. Alors si tu pouvais pas les voir, ça serait cool. Donc ouais. Et rencontrer des vrais gens. Mais par contre, t'as un truc qui est assez hallucinant, c'est que je pense que ce genre de personnes, enfin, je sais pas pour vous les gens, mais dans les catégories porno, en général, le porno c'est extrêmement exagéré. Et on le voit depuis quelques années qui est en train d'arriver avec les revenge porn, le celebgate il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas du tout de quoi c'est tu parles. C'est quoi le celebgate? Mais dis donc, c'est quoi? Instruis-nous. Je ne saurais jamais. Alors, le celebgate, c'est aussi appelé le fappening, mais je trouve que le celebgate, c'est beaucoup plus classe comme nom. C'est tous les leaks des stars américaines. Oui. Des photos privées qui sont sorties sur la toile. C'est ce sur le donc Jennifer Lawrence, entre autres. Mm-hmm. Ah des oui, ça y est. Et du coup, c'était quelque chose de terrible pour tout le monde. Bonjour Victor. Et c'était assez impressionnant. Et du coup, ça, c'était des prises de vue réelles. Et c'est pareil avec le revenge porn qui émettent les photos un peu coquines que ta copine t'a envoyées sur internet parce que t'as lourdé et que c'est une vraie connasse, du coup tu vas divulguer des photos personnelles. Voilà, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Au revoir Charlotte. Ouais, c'est ignoble ce genre de truc. C'est un truc qui existe de plus en plus. C'est pareil pour les captations webcam parce que c'est des gens qui prennent des captures d'écran et qui les mettent sur internet de des gens privés. Et ils mettent des gens qui sont privés, qui sont dénudés sur Internet. Je trouve ça un peu con, moi, personnellement. Mais ça, c'est... Après, si t'as suivi le délire, bah, c'est un peu de ta faute aussi. Mais voilà, c'est des trucs, des vidéos privées, des gens qui n'ont pas forcément demandé à être là et qu'on donne ces vidéos aux yeux de tous. C'est des trucs qui sont assez immondes. Et c'est quelque chose qui fait de plus en plus de buzz, au fait. Et je pense que les gens sont à la recherche de quelque chose de vrai, de véritable, ouais. Avec des vraies sensations, et non des choses simulées comme le porno nous fait... Et justement, un truc que t'as pas envie de... Parce que bon, à la rigueur, dire « Ouais, j'ai maté un porno, c'est rigolo, machin. » Mais vraiment, là, c'est vraiment un truc sincère, et du coup, t'as vraiment pas envie que là, tout le monde le sache. Enfin, que ça se voit plus. Bah après, enfin tu vois, le porno en lui-même, c'est vraiment quelque chose de, enfin quand tu le vois en soi, t'as deux différentes sortes de porno. T'as le film long métrage avec un scénario. Scénario, ouais. C'est-à-dire des bonnes avec des auteurs derrière, disons-le, avec une mise en scène. Ouais, fais gaffe, essaye de remettre quelque chose, des lattes, etc. Elle est en dessous. Et du coup, sur le, enfin, t'as les films avec scénario, enfin plus ou moins. Ouais, c'est-à-dire une bonne raison pour niquer à gauche à droite, qui est assez hallucinant. Enfin, c'est vraiment justifier du porn pour justifier du porn, quoi. Mais ça, j'ai jamais compris pourquoi ils se sont entêtés à le faire. En fait. Bah moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a des films porno d'une heure et demie, en fait. Ça, ouais. c'est 3h15. 3h15. Ça, par contre, je vois. C'est, est-ce que t'as des mecs qui regardent sérieusement comme ça et qui font oui, c'est pas mal quand même. Il y a des critiques. Il y a des critiques, mais imagine ceux qui produisent ce genre de films, les monteurs qui montre ce genre de trucs. Ouais. T'es là, tu fais bon, ok. L'étalonneur, parlons-en. Ouais. Bah, le scénariste. Bah, le scénariste, il a duré 2 minutes, hein, son truc. C'est a fait faux. Bon, voilà. Hein, scénario écrit. C'est toujours la même chose. Ouais, voilà. Et quand même, à côté, on a réussi. Enfin, il y a des hyper grands. Enfin, je les connais pas, mais j'ai lu un bouquin où ils en parlaient, c'est pour ça. Oui, oui. Nous aussi, on a un ami qui regardait du porno et qui nous a raconté. Non, mais il y a des films hyper cultes comme Gorge Profonde et des trucs comme ça. Ouais. Oui. Mais au fait, Two Girls One Cup. Non, ça c'est une vidéo, c'est la deuxième catégorie que je vais aborder. Voilà. Mais toi, on est folle de merde. J'ai pas regardé, t'inquiète. Oui, j'avais lu un truc sur Gorge Profonde. Oh, c'est un bouquin de SF, hein, où ils l'ont utilisé. Je tiens à préciser. Parce qu'en fait, la meuf, elle pouvait pas atteindre l'orgasme par la voie sexuelle normale, on va dire. Et elle pouvait atteindre l'orgasme que. Bah, au fond. Ouais, ouais, elle avait son. Son point G. Dans sa gorge. Et du coup, elle avait adopté la technique. Son médecin lui dit mais je vais vous montrer. Il y a une vraie histoire en fait là. Ouais, oui. Ah ouais, non, et mais du coup, c'est vraiment drôle. Qui a donné le terme. Il y a des questions de société et tout qui se posent. Non, mais enfin, voilà, enfin, t'as une histoire là-dessus et ça dure 1h30. C'est long. En plus, c'est pas super intéressant. Et. Enfin voilà, ça c'est la première catégorie où t'as vraiment un film et t'as des stars du X, hein, t'as Brigitte Lahaie entre autres, c'est pour ceux qui connaissent, non. Qui est une star du porno des années 80, 70, 80, 90. Et après t'as tout ce qui est Clara Morgan, Katsuni, etc. Ça je sais qui c'est parce qu'elle fait maintenant des vêtements, c'est ça? Clara Morgan, elle est animatrice sur la chanson en fin de Noël. Elle ouais. a fait de la chanson à un moment donné et puis après elle anime des ouais. bêtisiers de fin de Noël. Et Katsuni maintenant elle fait du, elle est comédienne sur Internet ouais. pour Golden Moustache. Ouais. Belle reconversion. Donc tu vois c'est, enfin je trouve ça assez hallucinant sur cette histoire de reconversion parce que c'est les deux principales stars du X ouais. qu'on a en France. Et voilà. Katsuni, et du coup, elle a dû changer de nom. Oui, parce que son premier nom qu'elle avait pris, c'était Katsumi ouais. avec un M, et en fait, c'était déjà une autre marque de bagnole, je sais plus. Ouais. C'est un truc hallucinant, du coup. Je sais plus si c'est bagnole ou quoi, mais en tout cas, c'est le nom d'autre chose, et le autre chose, elle dit non, tu ternis notre nom, dégage. Du coup, elle a un procès, elle se fait bon, bah, je vais mettre un N à la place, et bim, Katsuni. Bon, donc voilà, mais donc c'est la première, le deuxième type de vidéo. Ce qui est marrant aussi avec les films, voilà. C'est les parodies de films. Oui, c'est les parodies de films, ouais. J'allais en venir justement. Ah bah, et mais j'allais en venir, j'avais complètement oublié, t'as bien fait de m'interrompre. Et ouais, les parodies de films, c'est quand même assez hallucinant aussi parce qu'il y a un marché et ouais. les jeux de mots. Sont mais quand ouais, même très ça, très bons. Parlons-en. Par contre, ça c'est super drôle. Et c'est super bien. C'est carrément une pop culture. C'est genre, ouais. c'est réunir le maximum d'affiches de ces films de parodiques, de voir à quel point ils ont parodié déjà la jaquette originale. Ouais. Et de puis voir, les jeux de mots, des fois, ils sont les ouf, jeux de mots que c'est comme un nanar. American Booty. Moi, je suis quand même tombé sur la parodie porno de la famille Bélier. J'annonce. C'est ça comment c'est très sale. Ça fait 1000, je crois que ça s'appelle la famille Bessier, mais c'est pas, tu vois, c'est pas terrible comme. Des fois, ils trouvent mieux quand même. Ouais, moi j'aurais dit la famille Baiser, mais ça c'est un détail. Ouais. Je trouve ça beaucoup ça plus drôle. Pas mal, c'est poétique et tout. C'est rigolo. Mais ouais, il y a plein de, enfin, les niveaux jeu de mots, donc, c'est quand même est-ce très qu'on drôle. On peut dire que le porno est une forme d'humour. Je pense que les mecs doivent bien se marrer. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va être très glauque au bout d'un moment. Je pense que dès que tu as 15 ans de service là-dedans, au bout d'un moment, tu fais. Ouf. Les parodies Bob l'éponge et tout ça, faudrait peut-être. Ouais, faut arrêter les gars, ce genre faut de truc. Il devrait y avoir des limites. Il y avait aussi la parodie des Schtroumpfs. Ouais, ouais, les gens, ils étaient juste peints en bleu. Ouais. Et en plus, à la fin, la peinture, elle commençait à dégueuler. C'était dégueulasse. J'ai vu ça dans une vidéo, mais je me rappelle plus. Oui, il y a oui, la famille Pierre à feu et tout. Ouais, ouais, il y a Bob l'éponge, les Simpsons, et j'ai eu Pokémon. Ah, c'est dans Topito. Et si vous cherchez, alors j'ai donné des petits liens. Donc vous pouvez aller voir sur Woodrocket, qui est un site fort sympathique si vous aimez un peu le porno féministe. Oui, ça existe. Il n'y a que des meufs de porno féministes. Non, en fait, c'est des stars du X qui sont assez engagés, comme Stoya, entre autres. Je vous invite à regarder son Tumblr qui est assez intéressant. Comment ça se présente un porno féministe ? Bah, c'est simple, y a pas de. Enfin, c'est pas. En fait, c'est comme un porno normal, mais je pense qu'il y a un plus gros respect de la femme derrière. Ouais. Voilà. Sur niveau position, je pense pas qu'il y ait des positions ultra dominantes derrière. Et Stoya est hyper intéressante. Je vous invite à regarder son Tumblr. bon, il faut être un peu, faut parler anglais quand même, parce que c'est, et qui était avec James Dean, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, parce que c'est une star du X qui apparemment aurait violé ses compagnes. Voilà. James Dean ? Oui. C'est pas rigolo. C'est pas l'acteur ? Non, mais ça s'écrit pas pareil, au fait. Ah, oui. C'est pour... Il s'appelait James Pin, mais il avait pas le droit. Et je sais pas si vous avez vu aussi sur un peu une télé-réalité sur le porn. Est-ce que c'est le genre concours du style, si jamais tu gagnes, tu tournes une scène assez... c'est ça. Quoi ouais. Oh, mais et il y a la bande-annonce du truc. Ouais. C'est magnifique. Et je trouve ça honteux de faire ça. C'est pire que tout. Quoi. Je crois que la télé-réalité a atteint. Alors, je connais pas le concept. C'est gros, c'est une télé-réalité américaine où tu as un certain nombre de candidats féminins, autant de candidats masculins. Et ils doivent tourner une scène de film porno jugée par des juges à l'œil averti. Et ce qui sont des stars du X, donc il y a Tori Black, celle qui a été sacrée meilleure actrice porno 2014, il me semble. Et un mec dont sa bite est assurée à $1 million. Oui, c'est ça. voilà. Il assure et tu... oui. Mais contre quoi? Bah, c'est son outil de travail. Si, voilà, si jamais il y a un problème, c'est si jamais il la perd. Si jamais il y a un problème, c'est un problème. Ah ouais, si je fais une comme Beyoncé, c'est un corps caverneux. Quelqu'un mort. Par exemple. J'ai mal pour lui. Et du coup, le gagnant a le droit de tourner une scène avec ses charmantes jeunes personnes. Plus de la thune, bien évidemment. Mais avec le jury, tu veux dire? Oui. Ah, pardon. Parce que, fait, tu as le mec avec son sexe assuré à $1 million et tu as les deux nanas à côté, genre, ah, ok. Ce qui me fait lourdement rire, est-ce qu'il va y avoir des votés? C'est genre, t'as un mec, veuillez voter au 36-15 pour l'élimination. Ça ferait hurler de rire. Tu sais, c'est les petits commentaires d'après. Voir le bêtis. Je suis désolée, mais j'aurais vraiment avec pas dû tenter la levrette et tout. C'est vraiment pas le bon plan et tout. J'étais pas prête. Les appréciations des juges, ça doit être super drôle. Alors moi, je vais mettre un 10 parce que, franchement... La faciale, elle était réussie. Voilà, moi je mets un jabba. La maîtrise de la faciale. Je mets un jabba parce que voilà, c'est pour moi c'était assez mou si je puis dire. Sans des jeux de mots, mais évidemment. Est-ce que tu crois qu'ils vont appuyer sur un truc, ils vont faire je veux. Allez, on va faire un mix de toutes les téléréalités et des télécrochets qu'on connaît et on va tout mettre ça en version porno. Genre, ouais, alors ils sont en train de copuler, on a que le bruit, on se retourne, voilà, The Voice. Voilà, super. Enfermé dans une maison, si tu cries bien. Est-ce qu'on fait du coup l'école des fans? Allez. Tu veux nous interpréter quoi aujourd'hui? Alors, ma maman. Tu veux la fesse de la maîtresse, un bon petit havre de paix. Fait bien, ouais. Ouais. Mais donc voilà, et on va arriver sur la deuxième catégorie porno, c'est de vidéo, c'est la vidéo de 20 minutes où c'est juste un coït sans scénario, sans rien, c'est boum. Si, il y a un petit scénar, c'est sympa, toi-même tu sais. Sans échauffement, ouais. Des fois, c'est dans sans étirement. Oui, mais là, c'est un. Là, c'est. Steph, oui. C'est là où tu parles, où tu me dis toi-même, tu sais, où il y a un petit scénario. C'est on apparaît sur la toute nouvelle catégorie de porno qui est le X-Art. Oui. Et qui est du porno filmé de façon avec un éclairage plutôt sympathique. En fait, ça fait plus fiction. C'est c'est comme si vous regardiez un film et qu'il y avait une scène de sexe, sauf qu'au lieu que ce soit suggéré, et ben c'est montré. C'est comme de l'érotisme plutôt. Non, parce qu'il y a pénétration. Parce que tu en gros vois, plan. Justement. Ah ouais. Ça, dans les films qu'on voit actuellement au cinéma, érotique. C'est plutôt un peu d'érotisme plus ou moins léger, où tu vois que des plans sur le haut du corps. Parce que les films érotiques, c'est un peu plus du coup recherché. C'est comme attraper un gros poisson. Love de Gaspar Noé. Et là, c'est la même chose, mais ça va plus loin. Et tu vois vraiment, en fait, Après, en plus, là, c'est pareil que je disais, c'est un peu plus dans le réel, au fait. Dans des sensations plus réelles, du coup, c'est pas... C'est plus construit et tu peux plus facilement t'identifier dans la mesure où, avant, t'avais du porno du style « Ah, je commande une pizza, mais j'ai pas préparé la monnaie. » Bon, on peut s'arranger. Le truc pas probable. Ouais. Et là, par contre, du coup, je fais référence à une vidéo que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Qui est très bien. Merci. Je partage les trucs. on prépare, tu vois, on bosse un peu et tout. Je te trouve une petite vidéo, mon gars, tu m'en diras des nouvelles. Et là, par contre, c'était un court-métrage, j'ose le dire, un court-métrage de 20 minutes, où il y avait un scénar. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de porn avant 1 minute 30 dans la vidéo, ce qui est très rare. ce qui est très rare, mais qui du coup ne paraît pas long parce que c'est utile, c'est esthétiquement sympa à regarder comparé à tous les autres pornos plats, fades ou dégueulasses qu'on regardait avant ou qui continuent à être là maintenant, enfin que personnellement je n'aime pas trop, je n'avance pas plus là-dessus. Et tu as une fin, c'est rythmé et c'est vraiment comme de la fiction. C'est vraiment pour t'imbriquer dans une histoire. Et cette histoire est tellement plausible que du coup, tu pourrais t'identifier à un personnage autant qu'à une autre fiction que tu irais voir au cinéma. Et c'est ce que j'ai apprécié au niveau de l'image. Je vais penser à me mettre au bon. On t'enverra le lien, on va la partager sur la page Facebook. Du coup, moi, je serais toute contente parce que ma petite vidéo, elle va faire le tour. Oui. À quel moment de la journée on peut se dire bon, tiens, si je me mets un porno. Plutôt le soir. Je fais pas ça au matin pour te réveiller. Bah, ça dépend. Moi, j'ai un petit truc, petite technique pour pimenter sa vie de couple. Attention, la technique piment. Vous parce que ça m'est jamais traversé. Je me suis dit, tiens, si je regardais un porno et genre, non, c'est pas bien. Non, c'est juste que ça m'est jamais passé par la tête. Vous regardez... Ouais, je répondrai à ta question juste après. Je te donne une petite technique pimentée votre vie de couple. C'est regarder un porno avec votre ou vos... Oui, votre dulciné. Et... Vos dulciné. Ça dépend si vous en avez plusieurs. Et aller regarder le porno. Et le but, c'est pas de se toucher. Ça, c'est rigolo. Et après, vous pouvez vous sauter dessus comme des bestiasses. Et voilà, du coup, t'as une excitation qui monte pendant 20 minutes. Si tu regardes un film d'une heure et demie. Et si t'as regardé un film d'une heure et demie, bah, au bout d'un moment, bah, tu t'endors parce que c'est un peu chiant. Critique, mais mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que tu ressens la chaleur du corps de ton compagnon ou de ta compagne du moment. Et tu te dis, il faut vraiment que je tienne, en parlant. Vous pouvez réaliser ça aussi avec votre main. Sinon, vous allez dire bonjour. Ah. Ou avec votre voisin. Alors, quand regarder un porno, je pense que c'est parce que, en fait, t'as pas fait le premier geste d'aller voir un porno. Mais je pense que dès que tu vas voir pour la première fois un porno, après, tu tombes peut-être dans une routine. Ou dans une. Après, tu traverses peut-être l'idée de dire. Tiens, si j'en rematais, hein, tu vois. Okay. C'est un peu comme la clope. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on parle de dépendance réellement. Faut pas commencer, quoi. Non, mais faut le gérer. Est-ce que les gens qui sont accros, justement, au porno, c'est genre les nymphomanes, mais qu'on personne. Ou en fait, c'est quelqu'un qui a pas plus de sexe que personne. Non, je pense que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être. Ça dépend de l'histoire des gens. On peut pas non plus catégoriser. Toutes les personnes, chacun a son histoire, du coup, bon, bah, la dépendance au porno, écoute. Bah. Puis au pire, il y a pire. Ouais. Tant qu'il reste dans son coin, il ne fait pas de mal. Bah, après, c'est les dérives qu'il peut avoir derrière. Après, mais... voilà, c'est, tu regardes du porno, mais au bout d'un moment, si tu n'as plus le recul tu vois, du porno et que tu restes sur ton truc à fond, après, tu peux avoir un problème qui est... la peur de ne pas être assez bon au lit, au fait. Oui, de trop y croire, de croire que c'est la réalité alors que ce n'est pas le cas. Il faut faire que une tu dois à tout prix tenir 45 minutes tout le temps et, ça me rappelle et faire 5 orgasmes pendant le truc. Quoi, tu ça vois. Me rappelle un site, je ne sais plus comment il s'appelle, il était sorti il y a quelques années et en gros, il était divisé en 4 parties. Et c'était une femme qui avait fait ça parce qu'elle en avait marre que les gens en fait, stigmatisaient le sexe par rapport au porno. Et du coup, elle avait fait un site qui catégorisait la réalité, les clichés du porno et la réalité. Et du coup, tu avais une partie comme ça qui donnait des faits. Tu avais une partie de partage de vidéos, enfin de visionnage de vidéos amateurs. C'est des gens qui du coup, dans la troisième partie, soumettaient leurs vidéos réelles, de sexe réel, de quelque chose, un concept plus... Comment la dire. Sex tape. Voilà. Je cherchais le terme amateur. Je regarde vraiment ni le porno ni le foot. Réel, réel. Et c'était sa volonté, c'était d'arrêter de faire croire aux gens que le sexe était facile, que c'était que des grosses cochonnes et des gros cochons, que c'était des chiffres énormes comme ça pour tout le monde. J'ai connu quelqu'un comme ça qui qui croyaient que le sexe c'était que le sexe dans le porno c'était vrai. Et c'est vraiment agaçant parce que t'es con en plus. Bonjour. D'ailleurs, si tu nous écoutes, je ne citerai pas ton nom, je te déteste. Désolée. Et voilà, enfin, elle était vraiment agaçante et elle pensait réellement que la vraie vie c'était un porno, alors que c'était absolument pas le cas. Enfin, non. Non, les mecs, ils ont pas des chiffres de 3 km dans leurs pantalons. Qu'est-ce que t'en sais? Hein? Alors voilà quelqu'un qui a une qui a un complexe ici. Juste de l'humour. Hein. On rigole pas avec ça. Il y a peut-être juste de l'humour. Non, mais enfin tu vois, enfin c'est enfin tout le monde, enfin au bout d'un moment tu vas complexer à mort parce que voilà t'as pas forcément été bon sur le coup, que mais avant tout le sexe avec en IRL comme on dit. Merci pour ce terme tellement geek. IRL. Mais dis donc, c'est quoi donc le IRL ? Alors le IRL, ça veut dire in real life, dans la vraie vie. In real life. Dans la vraie vie véritable. Voilà, okay. IRL, le terme geek. Ok, merci. Et du coup, non, c'est parce que c'est une histoire de symbiose entre deux personnes. C'est voilà. Aussi une histoire de ça, c'était très symbiose. Beau. Symbiose. Oui. Donc je vous propose un tour de table. Allez. Parce que je trouve qu'il y en a qui ne parlent pas beaucoup sur le porn. Du coup, qu'avez-vous à dire ? Voilà. Oh, Judith. Vous allez croire que c'est fait exprès, mais moi je suis juste crevée. Je pense que je vais me coucher. Très bien. Donc c'est fait exprès. Tu as bien choisi ton timing. Allez, si vous voulez. Voilà, mais on déconne. Après, je vais me coucher. Bah après, va te coucher. Mais rapproche-toi de ton lit. Pourquoi c'est quoi la question ? Il n'y a pas vraiment de question en plus. Il y a pas. Non, c'est une question. C'est une question. C'est une question plutôt ouverte. Mais le porno, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que qu'est-ce qui vous dégoûte? Qu'est-ce qui vous dégoûte pas? Enfin voilà quoi, ce genre de truc. Enfin quand je dis qui vous dégoûte, je veux pas parler. Ça j'aime pas dans le cul ou ça j'aime moins. C'est plus est-ce que le porno niveau très hard, c'est vraiment une grosse connerie ou. Ou tout ce qui va avec. Enfin voilà quoi, tous les délires, sachant que c'est tout. Tous les styles sont représentés sur un site quoi. Donc après ça peut vite dégénérer d'ailleurs. Il y a des trucs, c'est un peu moyen, je pense. Ouais. Grammy. Quoi ? Je pense pas que ça soit mal dans le fond. Mais après, ça dépend des degrés de vidéo ou. Enfin, des degrés de jusqu'où ça va. Parce que. Il y a quand même. Enfin, en tout cas, à mon sens, il y a quand même une limite morale. Il y a des choses à pas dépasser. Et après, ça dépend de chaque individu. Chacun a ses principes. Et voilà, mais selon les degrés, c'est pas forcément mal. Enfin, je vois pas ça comme quelque chose de mal. Ouais. Et en tant que consommatrice de films érotiques, j'aime bien ce terme. Ça me fait rire. Et oui, parce qu'il y a héros dedans, du coup ça me fait rire. Je pense qu'il y avait des gens qui font. C'est un peu le cas, non? Voilà, c'est juste ça. C'est génial. Et du coup, oui, parce qu'avant je confondais héroïque et érotique. Du coup, j'étais un peu nul quand j'étais petit. Voilà. La révélation. Du coup, voilà, ça me fait beaucoup rire. Du coup, j'imagine des mecs avec des chapeaux de Gaulois qui font charger et tout. Et qui... Ça c'est un peu nul. Ça va ressentir lundi en cours. Ouais. Oh, en TES. Et il y a des chances. Et en tant que consommatrice, est-ce que tu consommes beaucoup ou pas? Non. Non. Sincèrement, non. Non, genre c'est une fois par mois. Quoi. Non, même pas. À date précise. Même pas. J'ai dû regarder 2-3 peut-être. C'est tout. Dans la semaine? Non, la soirée. Non. Sur ton ordinateur. Très bien. C'est pas quelque chose de nécessaire en tout cas pour moi. Ouais. Ouais, vas-y. Il y a Kawan qui veut parler. Bonsoir à tous ceux qui sont encore là. Alors, je vais juste faire un message pour dire qu'à 4h normalement le live devrait couper parce que YouTube nous autorise qu'à 8h de live en continu. Du coup, je vais mettre un peu ma gueule devant la caméra pendant un moment. C'est juste pour planifier un deuxième live pour que la coupe soit la moins dure pour vous. Voilà. Donc du coup, voilà. Et je voulais aussi dire, est-ce que vous avez parlé... Ah, pardon, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Regarde ma porno. Non, j'ai raccompagné Charlotte chez elle parce que, bon, on vit pas dans la meilleure ville du monde niveau sécurité. Ouais. Et on en a peut-être parlé dans leur fille, mais en tout cas, bah, tout ça pour dire que la nuit, pour une femme, dans le monde dans lequel on vit, c'est très compliqué. Et du coup, c'est bien de proposer, de raccompagner vos amis, essayer le moins possible, si vous habitez dans ce genre de ville, de rentrer tout seul ou à des heures, en tout cas, tard dans la nuit, mais ça peut même arriver dans la journée. C'est... Voilà, bref. Et du coup, on a croisé un monsieur assez agressif. Et du coup, j'ai un peu couru, mais ça va. À un moment, il y a une vieille qui passait à fond Lady B dans sa bagnole. Du coup, j'étais rassuré. Encore une fois, l'évitage me sauve la vie. Quel homme. Du coup, voilà, je vais alors mettre ma tête devant la caméra pendant quelques très instants. Bien. Excusez-moi. Donc, Elliot, maintenant que tu seras... Ou Elio, comment ça se dit d'ailleurs? Elliot. Elliot. J'ai encore un truc à dire aussi avant de partir. Je ne sais pas si vous en avez parlé, je ne pense pas. Mais du site Wood Rocket ou Rocket Food. Oui, si, je l'ai cité. C'est rigolo, faut y aller au moins une fois dans sa vie. Ils font des parodies porno hilarantes, genre Strokemon avec le Pikachu qui est ignoble, ceux qui avaient fait le porno avec les Schtroumpfs qui est Bob génial. L'éponge aussi. Et Bob l'éponge qui est hyper Hannibal. Non. Ils font des trucs de fou, genre Parks and Rec et tout, c'est trop bien. Vas-y, voilà. South Park, c'est continu, non. Tu regardes même pas ça pour te faire plaisir, c'est juste comme si tu regardais genre un nanar ou une... une série délirante, c'est juste c'est des tranches de rire, des bonnes tranches et pas du blanc de dinde, hein. des tranches de poulet avec la couenne qui reste. Ah oh. Si, c'est excellent, c'est le meilleur. Avec ça, vous mettez un peu de mimolette, du pain de campagne, vous avez un burger. Très bien. Donc, mon cher Elliot, est-ce que tu peux nous parler de même question qu'avant? Yes. Je pense aussi qu'il peut y avoir des limites dans le porno au niveau de l'exhibition ou de ce qu'on peut trouver. Enfin, pour moi, ça serait presque plus un refuge en quelque sorte. Après, ça peut devenir une addiction. Mais c'est plus quelque chose où tu peux... quand tu es en manque affectif, ça peut te calmer pendant un moment, quoi. J'y vais du coup plutôt quand je commence, quand je me sens seul ou donc pas ce soir. Quoi? Pas ce soir. <C'est>... non pas ce soir, donc voilà, je sais pas trop après. Et en consommation, en fréquence de consommation. Tu dirais quoi? Justement, c'est variable. En fait. C'est variable. Ouais, moi je trouve ça intéressant. Mais après, je vais dire moi, donc ça va être terrible. Oh, ça fait des choses sur toi en plus. Donc, toi, Eve, est-ce que dès ce soir, on t'a corrompu et t'iras voir Wood Rocket ou t'iras voir un porno peu artistique? Je pense que si je repensais à y aller en me disant ah oui, c'est vrai, on a dit ça, faut que je fasse ça. Ce serait vraiment juste pour me marrer en fait. Parce que je trouve ça pas bizarre, mais sans intérêt en fait. Parce que c'est tellement mieux en vrai que de le regarder. Enfin, tu te dis, il manque un truc. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une fiction en fait. C'est comme un film. Ouais, mais je pense que du coup. La vraie vie, elle est cool comme aussi. Comme disait Mathias tout à l'heure, tu le regardes avec ta copine ou ton copain et tu te touches pas et du coup ça, la tension elle monte, et là du coup tu te fais monter la tension et puis générique et là tu fais ok. Bah non, bah après là c'est place à la vraie vie. Du coup je préfère regarder le voyage d'Arlo et beaucoup pleurer et baiser après que d'aller regarder un porno. C'est pas... Vraiment, ça m'a jamais tenté, quoi. C'est un truc... Ouais, mais peut-être que je suis bizarre. Parce que non, t'es pas bizarre. Attends, excuse-moi, regarde pas, on est trop bizarre. Ouais, mais en plus, toi, t'as les cheveux verts, donc ne me parle pas, quoi, sorcière. N'importe quoi, les cheveux rouges, dans quel monde on vit. Mon micro. C'est normal de regarder du porno, et c'est normal de ne pas regarder du porno. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous fassiez des choses... qui soit parce qu'on vous dit que c'est pas bien de le faire plutôt que par choix. Après, ça justifie pas les crimes. Merci, Kawan. Le défenseur de la liberté. Mais ouais, après, si je regardais du porno, je m'en cacherais pas plus que ça. Comme, et je pense que d'ailleurs, les gens, ils se cachent pas forcément de regarder du porno, mais c'est ce qui les gêne, c'est ce que ça leur fait ressentir. Du coup, ils ont pas trop envie de dire ça, tu vois. Je pense que c'est pour ça que ça reste quand même un peu tabou. Bah, je sais pas. Déjà, le sexe est extrêmement tabou. Oui, ça m'énerve. Tu veux pas parler de cul en disant ah. Eh ben, moi, j'ai envie de le faire. Non, mais parler cul, oui, il faut quand même. Enfin, faut garder une certaine comment dire, oui, une certaine vie privée. Mais je suis d'accord. Tu dis pas pour oh là, moi la dernière fois, nanana. Voilà. Voilà, c'est, je trouve que c'est important quand même peu. De partager ces expériences pour justement. Oh, le casque est tombé. Pour justement, ben. C'est comme une expérience de vie, tu sais, c'est comme n'importe quoi, genre ouais, j'aurais pas dû me garer là la dernière fois parce que nanana, et bah la personne qui t'écoute, il va te dire bon bah je vais pas me garer là, ça m'évitera de faire une connerie. Et bah le sexe, c'est un peu pareil, c'est pas que tu te sers des erreurs des autres, mais rien que le fait d'en parler, au lieu que ce soit un sujet tabou, ça éviterait tellement de conneries. Mais tous ces parents qui sont là à dire non, je veux pas que mon enfant, et bah il découvre le sexe, alors ce que je vais lui dire, c'est de pas coucher. Mmh. Bah tu pourrais au moins lui dire bon bah si t'as envie écoute protège-toi. Pas de sexe, ça sent la l'effet inverse en général. Coucou, maman. Voilà, mais rien que ça, ce serait déjà une grande avancée. Au lieu de dire à vos enfants ouais non pas de sexe, salut. Bah non, justement tu lui dis bon bah si vraiment tu peux pas te contenir, fais pas le con, protège-toi. Bah de toute façon personne peut se contenir. Mais voilà, enfin, du coup, si tu peux pas te contenir, contiens-toi, ne viole pas quelqu'un non plus. Oui, tu vois. Voilà. ça sert à rien de se priver, de se dire pas avant le mariage, pas machin. Non, vis ta vie. Voilà. Ouais, si ça doit arriver, que ça arrive, mais que carrément. Ça arrive correctement. D'ailleurs, ça bien. Va lancer un sujet juste après le tour de table. Si j'aimerais bien qu'on finisse le tour de table, je sais pas qu'il est. Du coup, je m'arrête là. Merci. Oui, mais on va lancer un sujet, je vais le garder en mémoire. À ton tour, Stéphanie. C'est quoi la question déjà? C'est qu'est-ce que tu penses du porno et la, comme la fréquence dit, d'utilisation comme je l'ai dit, ben, pour moi, c'est une fiction comme une autre, en fait. C'est comme quand tu as envie de regarder un film d'action, une comédie, un film pour déconner. Ben, voilà, ben, le porno est là pour diverses raisons. Si tu as envie juste de te détendre ou d'aller plus loin avec toi-même ou avec ta moitié, ben, écoute, c'est une fiction. Je garde en tête que c'est une fiction, que rien n'est vrai, qu'il y a une sorte de scénar derrière. Enfin voilà, c'est une œuvre audiovisuelle. Complète et artistique. Non, pas toujours complète. Ce que tu veux faire plus tard, en fait, c'est pour ça que tu le défends. Et mais n'empêche que faire un tournage de porno, ce serait pour moi intéressant. Mais genre pas un porno dégueulasse en mode ouais, bon, on balance deux patates dans leur gueule comme ça, axe de la caméra, ça les aplatit, puis on met un truc blanc derrière, on diffuse, bon c'est bateau, tu vois. Et là, on les fait les reflets des barreaux, enfin l'ombre des barreaux et tout ça qui les enclave. J'adore. Oh. Et puis des petites lumières rouges pour le danger et la passion. Parce que est-ce que vous remarquez comment Stéphanie fuit la question quand ça va comme être arriver à la fréquence d'utilisation de porno? Non, bah, j'en regarde pas tant que ça. Vous me donnez le statut de la grosse perverse, mais non, en fait, je suis plutôt sage comme nana. Je pourrais pas te dire parce que ça dépend des périodes. Ouais, bah comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde, il y a des périodes où ça y est, c'est toute la soirée pendant une semaine ou je sais pas quoi, ou sinon il y a une période où il y a rien et puis la vie continue son train normal. C'est comme regarder un film. Voilà, c'est regarder un film. Jacques, dis-nous tout. Moi je. T'as dit quoi? Dites. Ou va écouter. Bon, Lucienne, si tu m'écoutes, je t'aime. Moi, je pense que le porno, c'est ni bien ni mal, c'est comment les gens ils l'utilisent, tu vois. Quoi? Là, il vient d'exploser de rire derrière. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais attends. Comme j'ai lancé le truc des mamans, il y a Steph qui a fait un petit message. Et du coup, je me suis dit, c'est bien, pendant leur porno, tout le monde doit faire un petit coucou à sa mère. Maman. Bah ouais, un peu comme tout le monde, c'est genre il y a un moment où il faut savoir relâcher la soupape. Non mais ça. Non, mais c'est juste que. C'est décontracté. Merci Mathias. Dompter le poireau, si tu veux ce que je vais dire. Non, mais il faut juste savoir prendre du recul avec ça et se rendre compte que c'est une fiction, effectivement. Ouais. Tu as raison. Mais j'ai pas grand chose à ajouter par-dessus. D'accord. Et par-dessous, t'as quelque chose. Et par-dessous non plus. Donc ça vient à moi du coup. Oui. Ouais. On attend tout ça depuis le début. Le porno, moi je trouve ça cool, comme vous l'auriez pas remarqué. Enfin, ça dépend lesquels après. Hein. Voilà. J'en regarde, j'en ai regardé et j'en regarde beaucoup parce que. Non, mais je trouve ça. En fait, je trouve ça. On ne juge pas. Il y a Kevin qui est juste mort de rire, mais il juge à mort. Et en fait, non, mais j'aime beaucoup parce que. Enfin, dès qu'il y a un truc, genre. Je sais pas, je vois un article sur une star de X, tu l'as, tu fais. Mais à quoi elle ressemble, tu sais, des fois, t'as juste le nom, t'as pas de photo, t'as rien, tu fais, mais à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle fait, donc tu vas avoir, et du coup, t'as que des sites de cul, du coup, tu cliques sur le premier qui vient, et tu regardes, tu fais, d'accord, ok, c'est elle, très bien, et j'oublie le nom juste deux secondes plus tard, mais je suis content d'avoir cherché, et pareil, enfin, t'as des trucs improbables, enfin, par exemple, t'entends parler d'une position, tu sais même pas à quoi ça ressemble, quoi, moi, je sais pas, mais j'ai jamais, enfin, le lustre italien, s'il n'y avait pas de porno, j'aurais jamais su à quoi ça ressemblait. Voilà. Et là, il a trouvé d'accord. Le moyen de susciter ouais. L'intérêt de tout l'auditoire en disant le live le lustre italien. Et là, bim, tout le monde se demande ça ce que c'est. Ça a l'air hyper rigolo. C'est avec des pattes. Alors, ça me dit quelque chose. Le meilleur, c'est la toupie espagnole. Donc, je vous laisse chercher. Voilà, le lustre italien. Et je vous... Ne cliquez pas. Si, faut et il y a Victor Wiffels qui dit que j'aime bien, qu'il aime bien le porno. Et Steph qui dit, et il dit, il compare Steph à un hipster. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. À cause des cheveux. Les valseuses. Attendez. Les valseuses valsent. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a fait ce magnifique tour de table, il nous reste un petit quart d'heure pour. Peut-être que tu vas rester je comme ne, ça. Je ne vais pas l'aider. C'est rigolo. Moi, j'enlèverai carrément le bonjour. Là, ça va être galère. C'est un ukulélé. Qu'est-ce que tu fais, Kawan? J'enlève le bogger. Et du coup... Enlève le micro, là. Et du coup... Pendant... C'est une position... Bon, voilà. Là, c'est large. C'est large norvégien. Bon bah du coup on va meubler tous ensemble dans la joie et l'allégresse pendant que on est en train de qu'on est en train de recoller les valseuses. C'est très drôle de dire cette ça. Cette phrase est très belle. C'est des valseuses pour ceux qui ne savent pas, ce sont des couilles. Voilà. Les enfants. Alors Victor Wiffels dit c'est cool parce que même le porno ça peut devenir hipster. Donc voilà, il y a du porno de hipster. Moi j'ai mes chaussures, je peux pas monter sur le canapé. Si. Ah, ok. Et du coup, voilà, donc on a accès à tout ce spectacle merveilleux de recollage de valseuses. C'est magnifique. Je redis la phrase parce que je trouve ouais, ça très drôle. Le recollage de valseuses. Inventez une blague. Invente la suite. Hashtag du anonyme. TT à 3h du matin. Ben c'est trop tard. Donc voilà. Et du coup. Eve, tu avais dit tu nous disais un truc juste avant que j'embraye sur continuer le tour de table. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Voilà, tout le monde a oublié, même moi. Donc je vois plus de quoi elle parlait. J'ai dit par rapport à quoi? Par rapport quand on était tombé sur la discussion du. C'est pas grave, on saura plus la suite. Faut pas. C'est pas au moment. Faire bien pour les enfants là, sur les enfants. Oui, vulgarisation, pas de sexe en latex. Oui, et oui, c'est ça. Voilà. Et non. J'aime bien cette phrase. Oui, c'est. Parce qu'elle rime bien. Oui. Et elle est bien vraie. Enfin, pas de sexe en latex avec tout inconnu du dessus. Ou du dessous. Ou du dessous. C'est beau. Mais après, si tu t'es mis en règle, si ton médecin t'a garanti que tout va bien. Que tout va bien, tu peux y aller. Lâche-toi. Faites les tests. Et là, c'est cool. Faites les tests. Oui, c'est gratuit en plus. C'est gratuit, anonyme, au planning familial. Merci Marine de ne pas nous l'enlever. Et non, c'est Marion Maréchal. C'est pareil. On a dit qu'on ne parlait pas politique. On ne parle pas politique, je suis d'accord. Surtout à 3h45. sinon ça va être un peu difficile. Ouais, je pense que à 3h45, si on commence à parler politique, ça va vite déraper parce qu'on est tous très fatigués. Non, mais non, on va pas parler politique. Et du coup, il y a encore Victor Buffel qui demande si on a besoin d'aide. Merci Victor. Et il y a un bisou de l'empereur. Voilà, l'empereur nous fait des bisous parce qu'il a dû aller se coucher. Donc voilà. Et le porno, c'est cool. Et je sais plus ce que je voulais dire, donc je suis en train de meubler depuis tout à l'heure. Ça serait bien que quelqu'un mais puisse. En fait, c'était pas une heure de cul, c'était une heure de porno. Oui, mais on peut parler cul si vous voulez aussi. Qu'est-ce que vous avez 13 minutes pour parler cul. Je voulais juste dire le porno, on a dit que c'était bien, mais il faut avoir 18 ans. Hein, parce qu'avant, c'est pas bien. Mais alors là, je dis ça, je sais très bien que s'il y a des personnes qui ont 15 ans qui nous écoutent, ils ont déjà eu accès. Et j'ai peur de dire que même plus jeune, c'est pareil. Mais moi, je trouve que c'est parce qu'il y a une espèce de mythe, justement, genre c'est de l'interdit, donc t'as juste envie d'y aller. Ouais, t'as juste envie d'y aller, c'est... Enfin, je sais pas, ouais. Je pense que ça vous est arrivé à vous, enfin, moi, non, parce que je ne m'intéressais pas à ça, malheureusement, car je vis dans un autre monde. Moi, j'ai attendu d'être majeur. Mais du coup, c'est... Mon cul. C'est de plus en plus accessible aux plus jeunes. Et ouais. Contre, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur un bouton, dire que tu as plus de 18 ans. Il n'y a aucun contrôle. De toute façon, mais en plus, ça fait partie vraiment de la pop culture internet. Donc, mais je pense qu'ils devraient mettre des petits cartons, genre ce film ne reflète pas la réalité. Oui, je suis d'accord, j'y avais pensé. En dessous, comme manger, bouger. Mais c'est ça, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Enfin, pourquoi ressemblance avec personne, c'est vrai, purement fortuite. Voilà, pourquoi on fait pas... Pourquoi non, mais c'est vraiment pas dire que c'est... Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Réglementer ça. Déjà qu'il y a des taxes. Si tu leur mets une réglementation, ils vont pas être contents. Bah ouais, mais je pense que c'est vraiment à vendre. Est-ce qu'il y a des aides financières pour le porno? Est-ce que le CNC finance les films porno? Ça a l'air d'être un gros truc, hein, vu qu'ils sont super visités. C'est les sites les plus visités. Est-ce que Love a réellement mérité d'être sorti des salles? Est-ce que les arguments alors que Nymphomaniac Gustave 1 et 2 sont passés crème, et ils ont été même repassés. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, mais parce est-ce que c'est du porno tiens d'ailleurs, parce que là du coup je l'ai vu. Et non, mais il y a aussi un truc, c'est que Nymphomaniac, c'est un mec qui pèse dans le game du Cinoche qu'il a réalisé. Oui, voilà. Et Love, c'est un vulgaire inconnu qui pas totalement quand même. Hein. Gaspard. Ouais. C'est quand même Gaspard Noé. Un vulgaire inconnu, mais qui pèse moins, quoi, je veux dire. C'est vrai. Ça dépend pour qui, mais. Ouais, après. Kawan a dit qui pèse ou qui baise. C'est rigolo. Voilà, c'est la petite vanne. Voilà, c'est la petite vanne. Le porno, quand on est en couple, vous en pensez quoi? Bah, moi, je l'ai dit, c'est cool. C'est Victor. Bah, Victor, il arrête pas là. Depuis tout à l'heure, il n'y a plus qui parle. Je suis pour aussi, dans la mesure où c'est la vie du couple qui le décide. Hein. Regardez-le à deux. Ouais, voilà. À deux, c'est cool. C'est parce que ce qui est rigolo, après, c'est commenter la lumière. Oui. Ou alors, tenter des nouveaux trucs. Parce que ça peut être une source d'inspiration aussi. Ouais. Et de passer un bon moment à rigoler dans un premier temps. Puis après... Oui, parce que des fois, c'est pas possible, ce qu'ils font. C'est techniquement impossible. Voilà. Et puis, se demander comment c'était filmé. Je suis dans l'aspect technique. Se demander comment c'était filmé, si c'est un multicam et tout. Enfin, forcément, c'est un multicam. Du coup, combien de caméras ont été sur le set? Comment on recrute un caméraman de porno, d'ailleurs? Est-ce que c'est le premier con qui passe? Non, parce que le mec, il doit être méga silencieux. Parce que si, du coup, s'il y a une merde au son, c'est foutu. Excuse-moi, pop. Elle est mauvaise. Est-ce qu'ils font plusieurs prises ou c'est un one-shot? Voilà, c'est plein de questions que je me pose, en fait, après coup. Genre, mais attends, quels sont les budgets? Le raccord ici est parfait. Moi, je pense qu'il y a c'est plusieurs prises. Je pense que c'est un multicam. Tiens, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose dans un super magazine qui s'appelle Néon, pour ceux qui le lisent. Oui, je t'écoute. Laurent Ruquier l'adore. Merci. Kawan a dit que Laurent Ruquier adorait ce magazine. Dans les petits savoirs inutiles, j'ai appris que le Viagra pour femmes, l'incompatibilité du Viagra pour femmes, je ne savais pas que ça existait d'ailleurs. C'est nouveau. Avec l'alcool, a été testée sur 23 hommes et 2 femmes. La société patriarcale. Et voilà. Et du coup, c'est bizarre, mais c'est un peu cool. Absurde. Est-ce que les gens qui nous suivent peuvent peut-être poser des questions? On a 10 minutes. Et comme je vois qu'il n'y a que Victor qui pose des questions, et Clémentine qui a juste rebondi sur le fait que Noé, il pesait un peu dans le game du Cinoche parce que j'ai dit une ineptie, apparemment. Totalement. Bah, quand même. Bah, laissez-moi tranquille. Hein, j'anime, je dis ce que je veux. Un culte. Si Michael Bay il avait fait le film avec des explosions en plus, est-ce qu'il aurait été retiré? Et est-ce que les personnes, les acteurs porno qui font ça donc dans leur journée de travail, dans toute la journée, spectacle. Quand tu rentres chez toi, est-ce que si t'es en couple, je pense qu'il y en a, est-ce que ça te foire pas un peu ta vie de couple d'être acteur porno? Et ben c'est pour ça que j'aimerais bien rencontrer un pour le parler, pour lui parler. Mais si on prend l'exemple de James Dean et de Stoya qui étaient ensemble et qui Stoya s'est fait violer par James Dean apparemment, après on sait pas trop. Et on peut donc en déduire que c'était un couple assez libre du coup. Ouais, mais est-ce que tu arrives encore Je pense que tu fais je pense que tu fais plus plaisir de... et pas avoir ça comme un objet, comment tu gères ta vie. Je pense que tu peux les séparer, ouais. À mon avis, tu vois plus ça comme des heures sup qu'autre chose. C'est comme si tu travaillais dans le domaine, enfin tu travaillais avec des enfants toute la journée et que tu rentres chez toi et t'as ton gosse. Tu rentres chez toi en disant oh putain, je suis dégoûté de mon gosse, encore un gosse et tout ça, moi ça me fait un peu chier. Bah non, je pense pas. Du coup, tu arrives à bien gérer ta vie de couple. Ouais, mais c'est pas pareil parce que. En termes de sensations physiques, ça doit pas du tout être la même chose que. C'est pas la même chose, bien évidemment, en termes de sensations physiques. Ouais, mais du coup. Je te parle plutôt du côté professionnel. Je parle du côté professionnel émotionnel. Là, il y a une émotion. Il y a de l'amour et l'amour, ça fait énormément de choses pour le sexe. Ça fait plus. Parce que, comme dit le dicton, il n'y a pas de belles histoires d'amour sans belles histoires de cul et inversement. Amour et cul s'en vont par pair. Vous avez 4 heures. J'ai bloqué. Bloqué. Ah. Donc ça doit être compliqué quand même. C'est une façon de gérer. C'est comme gérer sa vie professionnelle et sa vie privée, peu importe ce que tu fais. Tu vas pas dire à ton gamin, écoute, tu me brises les noix, moi j'ai vu plein de gamins aujourd'hui, j'en ai vu 32 dans la classe au Samsung, donc toi tu te calmes. Non, du coup, ta moitié c'est pareil. Ouais, ça doit être terrible. Le retour de l'empereur. Et surtout quand t'es le partenaire et que tu n'es pas dans le porno par exemple. Ouais. Comment tu l'acceptes? A fait quoi ta copine? Actrice porno. Tu le gères. Tu le gères par amour et tu. Ouais. C'est tes sentiments. D'ailleurs, il y a ça. Vous l'avez vu le film La fille d'à côté? Non. Non. Oh. C'est une petite comédie romantique américaine où justement le personnage principal. Dont j'ai oublié le nom. Elle est blonde ? Non, celui qui fait. Enfin, qui est-ce ? Est-ce qu'elle a des lunettes ? Celui qui joue dans le film de Sean Penn, là. C'est un homme. Mais oui, il a une moustache. Est-ce qu'il a une moustache ? Est-ce qu'il est roux ? Into the Wild. L'acteur Into the Wild. Ouais. Voilà, c'est et en fait, tombe amoureux de sa voisine qui vient d'arriver, et un de ses meilleurs amis lui dit... The Girl Next Door, mais c'est pas The Girl Next Door, le film... Si, c'est ça. Oui, non, mais en fait, il y a deux films The Girl Next Door, donc c'est petite référence à toi, Clément, si tu nous écoutes, bien sûr que non. C'est Bref, ils tombent amoureux, c'est une actrice porno. Voilà, si, en fait, oui, je l'ai vu, ce film, mais en fait, il faut pas confondre The Girl Next Door, donc cette version-là qui est sortie, je sais plus en quelle année. Et l'autre, qui est normalement en 2004 ou à l'autre année, je ne sais plus lequel. 2004 et 2007, je ne sais plus lequel est sorti quand. Et l'autre, The Girl Next Door, c'est un film d'horreur dégueulasse. Vraiment horrible à regarder, très très dur, du coup. Ah oui, non, moi je vous parle de la comédie romantique américaine. La comédie romantique américaine. Et je vous invite aussi pour un film, je vous invite à regarder Hot Girls Wanted. C'est un reportage sur l'industrie du porno. Et c'est fait par Ovidie, c'est co-réalisé par Ovidie et je sais plus qui. Et Ovidie, c'est une ancienne actrice porno aussi. Du coup, c'est un point de vue du comment c'est tourné, comment c'est foutu. Et c'est hyper intéressant et hyper glauque à la fois parce que tu vois des nanas qui ont 18 ans, 19 ans et qui se barrent de leur famille et qui pour aller tourner des films X, quoi. Et tu vois, alors elles s'imaginent Monts et Merveilles. Et elle tombe de très très haut et du coup d'ailleurs, tu vois la chute quoi. Toutes les personnes qui travaillent dans le porno ont vraiment eu ça comme vocation un jour, c'est devenu une nécessité comme je sais pas comment ça dépend, c'est pour ça qu'il faut en rencontrer acteurs porno ou gens qui sont dans comme boulanger, tu peux voir dans du porno mais voilà quoi. Parce qu'en référence, sinon, je sais pas si vous connaissez Daniel Yana. Non. C'est de Michel Franco et c'est sur un phénomène qui a lieu au Mexique, il me semble, où des gens sont enlevés, souvent soit de la même famille, soit des proches, et des personnes les obligent à tourner un porno. Oh, quelle horreur. Enfin, les kidnappent et du coup, après, les libèrent. Parce qu'il y a des personnes qui payent des sommes importantes ou même après, ils le mettent sur Internet. C'est et c'est un phénomène qui a lieu régulièrement là-bas. Entre et du coup, Daniel Yana parle de ça. C'est un frère et une sœur. Vivre c'est... après l'inceste. Sympathique. Non, mais super c'est, soirée. C'est moi ça. Ouais, je non, sens mais que Julie t'es perplexe. Ouais, parce que par rapport au fait qu'il puisse être dans un porno, mais ouais. Sans vouloir, voilà, il y a ça aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est. Y a, ah, mais là, ça c'est pose un question. Porno, je pense qu'il y a, là, bah ouais, qu'il y a quoi, tout et n'importe quoi. Tu, ouais. Tu sais pas non plus. Donc, on va approcher des 4 heures. Je propose de faire un petit. Au revoir à la caméra, parce que je pense qu'elle va se couper dans quelques minutes et qu'il va y avoir un autre live qui va recommencer juste derrière. Donc, ça va permettre de nous faire une pause de 5 minutes, je